FOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, ça! Cette semaine, au Mathieu Plante Show. Dans Television, Television, après les têtes à claque, une série sur les sketchs des grandes gueules à Télétoon. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, Télétoon? Est-ce qu'on peut se faire pardonner, mettons? Dans Segment Geek, c'est Alex, un verre intelligent qui vous dit quand boire. Mais là, est-ce qu'il va me dire quand avaler? Parce qu'il faut tout me dire, t'sais. Et dans Merci Science, attention, Wikipédia n'est pas un bon médecin. Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante commence maintenant. Et voici celui qui n'est pas un médecin, mais qui en joue un à la radio, Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui à l'émission, en fait c'est une émission spéciale, on va couvrir en direct la Worldwide Developers Conference 2014 d'Apple. Ça commence dans à peu près une heure, donc vers le milieu de l'émission, on devrait pouvoir tout interrompre et suivre en direct ce qui se passe. D'habitude on fait une émission plus intemporelle, mais c'est trop important pour qu'on saute par-dessus. On va quand même faire nos chroniques régulières, dont le segment Geek Scenix, le survol du web dans What Web, c'est un fait Tech Edition et la chronique de sciences et technologie Merci Science, tout ça autour de la WWDC. Dans quelques minutes, on va commencer avec notre classique Television, Television, mais avant ça, un petit peu de musique chiptune, c'est-à-dire créée à partir de consoles de jeux vidéo ou encore inspirée par les jeux vidéo. On va entendre pour l'instant un remake d'une chanson de Donkey Kong Country. C'est un cover d'une chanson donc, de David Wise par Motion Ride. On écoute Fear Factory Theme tout de suite au Mathieu Plante Show sur CIFU 89.1 FM. Christmas par 8-Bit Kid sur son album Rainbow Edition. Avant ça, on a entendu Donkey Kong Country Fear Factory Theme, un cover de David Wise par Motion Ride. C'est bien évidemment du jeu Donkey Kong Country. Si vous aimez Donkey Kong Country et la musique autour de ça, comme moi, restez à l'écoute parce que plus tard, ce sera évidemment le segment Double the Trouble, comme on fait à chaque semaine. Et parlant de comme à chaque semaine, encore une fois, des problèmes d'Internet en studio. Donc, on va devoir continuer en musique avant de passer à Television. Commençons avec Oui, c'est le fun. Voici Brink Agent tout de suite. La pièce When par Brandon, précédée de Agency X Amstrad CPC par Brink. Voilà pour deux autres pièces chiptune. Et comme vous le comprenez, si vous étiez avec nous il y a cinq minutes, je suis en train de vivre mon cauchemar radiophonique, c'est-à-dire que j'ai pas Internet et je peux pas faire de contenu. Donc, continuons avec d'autres musiques chiptune. Plus tard, il y aura Nimble Fox, avec A Fox Down the Rabbit Hole. Mais commençons avec Power Suit de Segatron tout de suite. Oh, Mathieu Plante, chaud! L'émission la plus plate que vous avez vécue. Mais bon, au moins, c'est de la bonne musique pour moi. De Segatron sur son nouveau maxi. Allez voir pressstartnc.bandcamp.com pour télécharger son album au complet. J'interromps le bloc de 5 chansons parce qu'on devrait pouvoir faire un petit peu de contenu. Donc commençons l'émission après 20 minutes de retard avec Television. Bien chanceux que j'ai pas abandonné l'émission il y a 5 minutes. Donc, Television, commençons avec la nouvelle qui me dérange presque autant que les problèmes qu'on a ici en ce moment d'Internet. C'est Les Grandes Gueules, une série de sketchs à télé sur Télétoon. Oui, le cauchemar. Une série d'animation créée à partir de sketchs radio des Grandes Gueules sera diffusée à Télétoon à compter de septembre 2015. La chaîne a annoncé que la production originale qui mettra en vedette le duo célèbre et tellement drôle de Mario Tessier et José Godette, de même que l'animateur Richard Turcotte donnerait vie aux personnages créés par Les Grandes Gueules au cours des 19 dernières années. La vice-présidente de programmation de Télétoon, Carole Bonneau, a pour sa part déclaré que l'univers et l'humour des Grandes Gueules collent parfaitement au public adulte de Télétoon. Fin de la citation. Je pense qu'elle est en train de vous traiter de cave. La chaîne spécialisée propose un bloc de programmation pour adultes de 21h à 3h, d'adultes avec un âge mental un peu détériorée. La production de la série, qui comportera 26 épisodes de 30 minutes, débutera dans quelques semaines. Le concept de la série va aussi être adapté en anglais. Parce que s'il y a une chose qui passe bien jusqu'à maintenant, c'est les émissions québécoises traduites en anglais. À part 19-2, le reste, ça a été que des flops. Donc, j'ai bien hâte de voir une version Big Mouth. Je ne sais pas comment ils vont appeler ça. Des grandes gueules. Sérieusement, un des styles d'humour qui me déplaît le plus. Mais bon, si vous aimez ça, regarde, je vous juge à peine. Une meilleure nouvelle, mais dans le même créneau grand public, la programmation de MaTV en direct sur le web du 31 mai au 11 juin. Abonné de Vidéotron ou non, la chaîne MaTV va diffuser sa programmation en direct du 31 mai au 11 juin sur matv.ca. MaTV à volonté va diffuser notamment le repêchage de la LHJMQ. Les internautes vont pouvoir également assister à la dernière demi-finale jusqu'à la dernière grande finale d'En route vers mon premier gala Juste pour rire. La 23e édition de la grande finale internationale de la dictée PGL aussi. La chaîne va donner la chance au public de pouvoir bénéficier des découvertes, techniques et conseils présentés par Cours Toujours, le premier magazine télé québécois entièrement consacré à la course à pied avec Dominique Arpin. Je vous sauve les cases horaires là-dedans parce que, bon, vous irez vous renseigner, c'est pas une pub non plus. MaTV est un réseau de télévision offert gratuitement et en exclusivité aux clients de Vidéotron. C'est ce que je trouve vraiment bien de le diffuser sur le web. En fait, à mon humble avis, une télé qui est supposée être communautaire et s'adressant à la communauté au grand complet ne devrait jamais être restreinte par votre câble au distributeur. Donc, c'est pas parce qu'ils veulent donner une raison de plus pour les gens d'avoir Illico et Vidéotron qu'on devrait fermer les barrières à tout le monde. D'après moi, une chaîne publique comme ça devrait diffuser sur le web tout le temps si c'est possible. Et Québécois, qui est derrière MaTV, a les moyens, les ressources financières pour le diffuser en temps réel 24 heures sur 24. Et pour moi, ça devrait être même pas une question à poser. Ça devrait juste être comme ça. Donc, chaîne qui s'intéresse de près à la réalité de la communauté que forment les 1,8 million de foyers qu'elle sert à Montréal, Québec, Lévis, Sherbrooke, Cap-de-Madeleine, Sorel-Tracy, Granby, au Bas-Saint-Laurent, au Saguenay-Saint-Jean et en Outaouais. Donc voilà pour MaTV sur MaTV. Je l'ai dit tantôt, il y a quelques secondes, je voulais vous rappeler l'adresse. Donc MaTV accessible sur matv.ca. On va aux États-Unis un petit peu maintenant. One Direction qui est en discussion pour une série télé, en direction vers la télé. On couvre beaucoup de choses très mainstream aujourd'hui, c'est parce que c'est tout ce qu'il y a. Donc le groupe One Direction serait en pourparlers pour jouer dans une série pour la télé. One Direction qui a démarré en tant que groupe dans l'émission des X Factor en Angleterre et d'après le Daily Star Sunday, le groupe prévoit son retour à la télé. Je cite, pour l'instant, l'épisode pilote raconte leur vie à Los Angeles au bord de la mer. Les scénaristes travaillent afin que chacun des chanteurs puisse avoir la chance de briller. Et ce serait une publicité géante pour leur musique. Il devrait aussi y avoir des invités célèbres. Pour l'instant, c'est encore un projet secret. Ça ressemble énormément au sitcom des Jonas Brothers et autres groupes qui ont eu leur groupe à la télé. C'est qui l'autre? Big Time Rush en ce moment. Donc des émissions taillées sur mesure pour les petites filles de moins de 12 ans. En mettant leur vedette préférée là-dedans. Ça marche quelques saisons, finalement ça s'essouffle et c'est retiré des ondes et on réessaye avec un autre tout le temps. C'est tout à la même chose, c'est pas vraiment surprenant pour One Direction du tout. Même si je pensais que leur succès était plus élevé pour qu'il n'y ait pas à se rabaisser à ça, contrairement à des trucs comme Jonas Brothers. Le réalisateur Quentin Tarantino a très envie d'adapter Django Déchaîné au petit écran. L'idée serait de développer une mini-série de 4 heures à partir des images qu'il n'a pas utilisées pour son film sorti en 2012. Je cite... J'ai près de 90 minutes de rushes de Django déchaîné, donc ça c'est des scènes coupées au montage, a confié le principal intéressé au site du quotidien USA Today. Ça n'a encore jamais été vu. Mon idée franchement c'était de faire une version de 4 heures de Django Unchained, mais je ne sortirai pas un film de 4 heures. Je couperai le film en 4 chapitres d'une heure, comme une mini-série en 4 parties qui serait diffusée sur le câble. Nous utiliserons tout ce que nous avons et ce ne sera pas un test d'endurance. Ce sera une mini-série et les gens adorent. Les temps de verbe sont vraiment accordés. Les gens se frottent les yeux devant un film de 4 heures, mais ils aiment les mini-séries de 4 heures et meurent d'envie de voir les 4 parties. C'est pourquoi je pense que ça pourrait marcher. Donc attendez-vous à plus tard une mini-série télévisée sur Django Unchained avec Jamie Foxx entre autres. Netflix maintenant, qui diffusera des dessins animés de Sony aux États-Unis. Le service de vidéo en ligne américain Netflix a indiqué avoir passé un accord avec les studios de cinéma Sony, dont il va pouvoir diffuser les films d'animation à ses abonnés aux États-Unis. L'accord porte sur plusieurs années et est limité au marché américain, a indiqué un porte-parole de Netflix dans un courriel. Il portera par exemple cette année sur des films comme Les Schtroumpfs 2 ou encore Il pleut des hamburgers, Cloudy with a Chance of Meatballs, que moi j'appelle toujours dans ma tête Nuageux avec possibilité de boules de viande. Je trouve que ça aurait été un bien meilleur titre. Netflix a beaucoup mis l'accent ces derniers temps sur son catalogue de contenu pour enfants, avec entre autres des accords avec les studios DreamWorks pour Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda ou encore Disney. Et toujours dans le domaine de Netflix, si vous n'avez pas quoi regarder et la prochaine fois donc que vous ne voudrez pas susciter de grands débats au sujet du film ou de la série télé à regarder avec votre copine, copain, ami, dirigez-vous vers le site de Netflix Roulette. Cliquez Spin, acceptez le contenu proposé et installez-vous confortablement. Optionnellement, vous pouvez filtrer les résultats selon la catégorie de votre choix, le type de contenu comme film ou série télé, la note attribuée par le système, le nom du réalisateur ou d'un acteur et même inscrire un ou plusieurs mots-clés. Malheureusement pour les utilisateurs de Netflix situés à l'extérieur des États-Unis, comme nous, qui ne détournent pas leur connexion Internet par le biais d'un serveur proxy, le registre de ce sympathique service est restreint. Toutefois, plus qu'une bonne portion du catalogue américain est disponible au Canada. Netflix Roulette peut s'avérer quand même utile. Il va y avoir quelquefois des trucs qui fonctionneront pas, mais en général, ça devrait fonctionner. Donc, c'est netflixroulette.net. Netflixroulette.net. Maintenant, parlons des codes d'écoute. Pour terminer, faisons le top 15 des émissions les plus écoutées au Québec. 15e à 6e en rafale, Chicago Fire, Caserne 21. Ensuite, Ciné Extra, Dans l'œil du dragon, L'arbitre, Film de filles, Hockey 360, Canadien Série, La poule aux œufs d'or, Dimanche à Hollywood, Vengeance et Les gags. En 5e, c'est Le tricheur à TVA. En 4e, TVA Nouvelle 18h. En 3e, Tout le monde en parle, Meilleur moment à Radio-Canada. En 2e, Hockey Canadien, Séries éliminatoires, Ronde 3 à RDS. Et en première place, toujours à RDS, c'est la Ronde 2 des séries éliminatoires. En passant, 2 365 000, énorme, et 1 636 000 pour la ronde 3. Donc, évidemment, ça va en montant. En montant, non? Ben non. Ronde 2, 2 millions quelque chose, et ronde 3, 1 million quelque chose. Enfin, bref, ça dépend des équipes qui jouent. Et finalement, dans les talk shows américains, bien sûr, commençons par David Letterman à CBS, 23h30. Ce soir, lundi, Donald Trump. Mardi, Martin Short, John Oliver, l'animateur de Last Week Tonight, la nouvelle émission d'analyse de nouvelles sur HBO que j'adore. Mercredi, Arsenio Hall, qui vient de perdre son nouveau talk show. On avait annoncé dans les dernières semaines, ici même à Television, en primaire, que Arsenio Hall aurait une deuxième saison de son talk show, mais finalement, on a changé d'idée chez CBS. Et il le perd, son talk show, même que la semaine dernière, ou il y a deux semaines, quand il a animé son émission, sans le savoir, c'était sa dernière. Il était supposé aller en vacances et revenir. Finalement, c'était sa dernière. C'est vraiment dommage pour lui. Jeudi, Hugh Jackman, et vendredi, les invités sont encore à déterminer. Au Tonight Show de Jimmy Fallon sur NBC, toujours à 23h30, Ricky Gervais de The Office, version britannique, ce soir, lundi. Mardi, Jonah Hill. Mercredi, Tom Cruise. Jeudi, Mike Myers et Neil deGrasse Tyson qui anime l'émission Cosmos, l'émission Science sur Fox. Et vendredi, Joshua Topolsky et Channing Tatum. Jimmy Kimmel Live, toujours à 23h30, mais sur ABC. Ce soir, lundi, Dr. Phil McGraw, le célèbre Dr. Phil, le docteur qui n'a pas vraiment de diplôme à la télé américaine. Mardi, encore une fois, Tom Cruise. Mercredi, Shailene Woodley est partout ces temps-ci, et Asif Manvi qui est collaborateur au Daily Show de Jon Stewart. Jeudi, 50 Cent et Jenny Slate, l'humoriste qui a fait seulement une saison de Saturday Night Live avant de se faire envoyer, malheureusement. Vendredi, Emily Blunt. Et c'est à peu près ça, c'est une rediffusion dans ce cas-ci. Même chose pour l'émission de mercredi, des reprises un petit peu à Jimmy Kimmel. Au Late Late Show de Craig Ferguson sur CBS à 1:37 environ. Lundi ce soir, Bob Newhart, humoriste américain très connu. Et Constance Zimmer, que moi je connais pour la sitcom Good Morning Miami. Personne ne la connaît pour ça. Mardi, Amanda Peet. Mercredi, Susan Sarandon. Et vendredi, encore une fois, Ricky Gervais. Les gens font tout le temps le tour des talk shows, c'est comme ça que ça fonctionne. À Late Night with Seth Meyers sur NBC à 1:37. Nick Offerman, lui, si je me rappelle bien, c'est lui de Parks and Recreation, qui est là ce soir, le 12 juin. Megan Mullally, qu'on connaît pour Will and Grace. Mardi, Dennis Miller, animateur et humoriste. Mercredi, Demi Lovato de Sunny with a Chance, la sitcom pour enfants. Et puis vendredi, Maya Rudolph qui vient de lancer l'émission pilote du Maya Rudolph Show récemment. Je l'ai regardé, j'ai vraiment trouvé ça vraiment plate. C'est elle qui était dans Saturday Night Live avant. Et là, on ramène l'émission de variété. Vous savez, comme dans les années 70, on essaie de ramener numéros musicaux, sketchs, invités spéciaux dans une émission d'une heure. C'est un pilote pour potentiellement faire une émission hebdomadaire ou en tout cas récurrente sur NBC. Et moi, j'ai vraiment pas trouvé ça drôle. Même si j'adore Maya Rudolph, j'ai trouvé l'émission un petit peu longue et prévisible. Voilà pour les talk shows mainstream. Il y a aussi Last Call with Carson Daly, le Daily Show, Colbert Report et un paquet d'autres sur ascendagerequis.com. Voilà pour Television. Dans quelques instants, on va y aller avec Merci Science. Hein? Mais avant ça, c'est de Chiptune. Juste une à la fois parce qu'on a assez joué en début d'émission. On écoute une chanson de Nimble Fox. C'est la pièce Fox Down the Rabbit Hole. Tout de suite, MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est fou. We'll be right back. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Bonjour, c'est toujours Mathieu Plante, show avec Mathieu Plante. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette deuxième demi-heure, la chronique Merci Science, suivie de Wawat Web. On a le segment Geek CNX avant ça, c'est vrai. Aussi, dans une demi-heure environ, on va commencer notre couverture du WWDC 2014. C'est la conférence pour les développeurs d'Apple. C'est là qu'on va annoncer fort certainement iOS 8 et macOS 10 Yosemite. En tout cas, c'est ce qu'on prévoit dans les rumeurs en ce moment. Donc, on va suivre ça. Ça va être super temporel là, pour les auditeurs de la reprise du mercredi. Vous allez peut-être savoir déjà ces nouvelles-là, mais quand même, on va suivre ça en direct parce qu'on est de même. Quand ça donne, on aime ça de même. Donc, merci Science. Dans quelques instants, mes avancées, on s'en va entendre Ocean Palace, Elliot Fuckboy, tout de suite. Oh, mais c'est plein de show. Ça, c'est fou. 89. Enfin, j'avais dit que je mettais juste une chanson de chiptune. Hein. Bon, trop tard. Pièce Idiot Fuckboy par Ocean Palace au Mathieu Plante Show. Ça nous amène à parler de science et de technologie. Voici Merci Science. Non, pas du tout ça, ça. C'est Merci Science. On va commencer avec Wikipédia qui n'est pas un bon médecin. Vous savez, lorsqu'on se sent malade, le premier réflexe, c'est souvent d'aller se renseigner sur la toile et souvent sur Wikipédia, très bien positionné dans les moteurs de recherche. C'est le premier résultat sur le bord. Mais c'est une mauvaise idée parce que des scientifiques ont révélé de nombreuses erreurs dans les entrées en langue anglaise de 9 des 10 maladies les plus coûteuses aux États-Unis. Pas très surprenant. Donc, cette encyclopédie en ligne participative lancée en 2001 contenait en mars dernier plus de 31 millions d'articles dans 285 langues différentes. Son succès repose sur la possibilité de tous et chacun, et donc de n'importe qui, d'y collaborer avec quelques garde-fous pour tenter d'assurer le sérieux du contenu. Mais qu'en est-il réellement du sérieux du contenu? Robert Hastie, chercheur à l'Université Campbell de la Caroline du Nord, a voulu éprouver les fiches médicales de la célèbre encyclopédie en ligne. Et avec toutes les erreurs révélées dans le Journal of the American Osteopathic Association, la JAWA, son travail conclut qu'il vaut mieux ne pas toujours se ranger à l'avis du docteur Wikipédia. L'étude s'est focalisée sur les pages anglophones des 10 maladies les plus coûteuses aux États-Unis, parmi lesquelles le cancer du poumon, le diabète, les maux de dos, les troubles de l'humeur et les traumatismes crâniens. À chaque maladie était attribuée aléatoirement deux expérimentateurs, tous deux internes en médecine, invités à vérifier toutes les allégations en recherchant des références solides dans la littérature scientifique. Bilan, dans 9 des 10 articles épiés, le jury a relevé de nombreuses discordances entre les affirmations de Wikipédia et les recherches relues par les pairs, à tel point qu'ils ne sont pas jugés fiables. Seul le texte sur le traumatisme crânien, a priori rédigé par des experts en la matière, sort du lot. Parmi les affirmations avancées sur le web et pourtant erronées, certaines peuvent être lourdes de conséquences. Par exemple, celle qui précise que pour diagnostiquer une hypertension artérielle, 3 mesures de la pression sanguine en différentes occasions doivent être respectées. Une aberration pour les cardiologues qui y voient le risque de retarder la prise en charge d'un patient. Autre point incorrect avancé, le fait que les antidépresseurs n'ont aucune efficacité chez les enfants. Les parents lisant cela risquent de refuser la prescription d'un médecin sous prétexte qu'ils ont vu des informations sur Internet disant de ne pas les prendre. Le mieux à faire donc, évidemment, face à la maladie, c'est toujours d'aller directement consulter un professionnel de la santé qui a été formé pour soigner. Néanmoins, autre point intéressant relevé par les études précédentes, une partie des médecins et jusqu'à 70% des étudiants en médecine recourent occasionnellement à Wikipédia pour glaner eux-mêmes des informations. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, dit-on chez Futura Science. Parmi les raisons de ces innombrables erreurs, ce qui fait le succès de l'encyclopédie participative, c'est-à-dire la possibilité pour n'importe qui d'effectuer des modifications, encore une fois sous un certain contrôle, si bien que certains acteurs de la santé directement impliqués peuvent parfois réarranger la réalité à leur sauce. Par exemple, des employés d'une compagnie pharmaceutique ont été accusés en 2009 de supprimer une phrase qui expliquait qu'un médicament visant à traiter la dépression pouvait compter parmi ses effets secondaires le fait de pousser les adolescents à réfléchir davantage sur l'automutilation ou le suicide. Ils avaient enlevé cette phrase-là pour ne pas se nuire, et Colin, c'est quand même assez important à savoir, n'est-ce pas? On se demande maintenant comment la pieuvre réussit-elle à ne pas s'en mêler. Les pieuvres possèdent, vous le savez, 8 bras munis de centaines de ventouses capables d'adhérer à n'importe quel objet et qu'elles agitent dans toutes les directions. Pourtant, jamais ils ne s'en mêlent. Comment ces octopodes réussissent-ils cette performance? Des chercheurs de l'Université de Jérusalem qui se sont penchés sur la question présentent leurs résultats dans Current Biology. Pour comprendre le phénomène, les chercheurs ont réalisé des expériences avec des bras de pieuvre amputés. En effet, un tentacule reste actif, une heure après l'amputation et continue à faire des mouvements similaires, comparables à ceux de l'animal intact. Les ventouses s'attachent toujours aux objets. Les chercheurs se sont donc demandé si les bras amputés pouvaient coller à de la peau de pieuvre. Celle-ci est une structure complexe pourvue de chromatophores qui lui permettent de changer de couleur. Les mouvements des bras peuvent être stimulés par le cerveau, mais ils sont aussi commandés par un système neuromusculaire périphérique bras. Chacun d'eux est un organe sensoriel comprenant environ 40 millions de récepteurs tactiles et chimiques. Ces récepteurs sont répartis tout autour du tentacule avec une concentration plus importante dans les ventouses. Dans leurs expériences, les chercheurs n'ont jamais observé que des ventouses de bras amputés pouvaient s'attacher au bras lui-même ou à un autre bras recouvert de peau. Les bras de la pieuvre n'attrapent pas non plus des boîtes de pétri recouvertes de la peau d'une pieuvre. Par conséquent, la peau de la pieuvre empêcherait les bras de coller les uns aux autres, probablement par un phénomène chimique. Mais ce mécanisme pourrait parfois être contrôlé par le système nerveux central, car un poulpe peut tout de même attraper un bras amputé. Dans d'autres expériences, les chercheurs ont exploité le cannibalisme de la pieuvre et lui ont proposé comme nourriture des bras amputés provenant d'autres animaux ou de la pieuvre elle-même. Ils ont alors observé qu'elles peuvent distinguer les bras de qui leur appartient de ceux des autres. Dans 94% des cas, les pieuvres collaient leurs ventouses aux bras amputés d'une autre pieuvre, mais lorsqu'il s'agissait de leurs propres bras, elles n'y attachaient leurs ventouses que dans 39% des cas. Pour l'instant, les chercheurs n'ont identifié ni la substance chimique ni les responsables de cette reconnaissance. Ce mécanisme pourrait trouver des applications dans le domaine des robots. Par exemple, quand ceux-ci doivent adapter leur forme dans des environnements avec des obstacles. C'est le cas à l'intérieur du corps humain. Ainsi, les scientifiques du projet Stiff Flop cherchent à développer un outil chirurgical en s'inspirant de la forme du bras d'une pieuvre. Génial! Et finalement, les neurosciences au service des jeux vidéo. Des chercheurs en neurosciences de l'Université Laval s'associent avec Ubisoft pour mesurer les émotions ressenties par les adeptes des jeux vidéo. À plus long terme, on souhaite concevoir des jeux qui s'adapteront au fur et à mesure à ce que ressentent les joueurs. La première partie de la recherche sera dirigée par Philip Jackson du laboratoire en neurosciences sociales et cognitives. À l'aide de moniteurs, de capteurs sur la peau et de caméras vidéo, son équipe va mesurer les battements cardiaques, la sueur et l'enthousiasme du joueur. Il affirme que c'est la première fois que l'industrie teste les jeux vidéo en misant ainsi sur la psychologie. En temps normal, on recourt plutôt à l'analyse de données et à l'ingénierie. Même le devoir fait des fautes de frappe. Futura Science, ça m'impressionne moins, mais quand je vois, on recourt plutôt à l'analyse. chez ledevoir.com, mais bon. Donc, on va se concentrer par la suite sur l'interaction entre la machine et l'humain pour concevoir un algorithme capable de moduler le jeu aux émotions. Il a déjà été dans le passé, on a déjà développé dans le passé ce genre d'outil-là dans le secteur de l'aviation et de la sécurité publique. D'une durée de 3 ans, le projet est financé par Ubisoft à 400 000 $ et par le Conseil national de recherche en sciences naturelles et génie du Canada à 340 000 $. Voilà pour Merci Science. Dans quelques instants, le segment Geek CNX avance une autre chanson chiptune. On s'en va entendre Feral. Pas Feral Happy, là, tu sais, le fatigant qui joue au moins 72 fois par jour là, aux autres radios. Non, Feral, F-E-R-Y-L. Voici Love of Her Life. MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. Restez là tantôt, on couvre la WWDC 14 de Apple. Par Feral, F-E-R-Y-L. On dirait qu'il faut vraiment que je précise parce que je veux vraiment pas que ce soit confus pour Feral. C'est bon. Toujours Mathieu Planchot. Maintenant, parlons de technologie, de jeux vidéo, d'informatique dans le segment Geek Célix. C'est le segment Geek CNX. Commençons avec des avancées technologiques. Une montre connectée qui s'utilise comme un joystick. Une équipe de chercheurs de l'université Carnegie Mellon a créé un prototype de montre connectée dont l'interface se pilote par des mouvements exercés sur le cadran lui-même. L'idée est de s'affranchir des limitations imposées par les écrans tactiles de trop petite taille et de développer une interaction plus intuitive. Si l'écran tactile s'est imposé comme interface par excellence pour les smartphones et les tablettes, leur utilisation sur les montres connectées, donc les smartwatches, est loin d'offrir le même confort. La taille des écrans étant limitée, le pilotage du bout des doigts n'est pas très pratique et oblige les fabricants à simplifier les menus au maximum. C'est en partant de ce constat que des chercheurs du laboratoire Human Computer Interaction de l'Université Carnegie Mellon à Pittsburgh aux États-Unis ont inventé une montre qui s'utilise un peu comme une manette de jeu. Leur prototype repose non pas sur un écran tactile, mais sur des mouvements imposés à la montre elle-même. Saisie entre deux doigts, elle devient ainsi une interface mécanique à plusieurs degrés de liberté qui permet d'exécuter les mouvements de torsion, de rotation, de pression et d'inclinaison. Pour illustrer l'intérêt de leur concept d'interface, les chercheurs ont conçu une série d'applications qui seraient difficiles, voire impossibles à utiliser avec une montre à écran tactile classique. Par exemple, la navigation sur une carte géographique et les changements d'échelle sont réalisés en exerçant une torsion-pression sur le cadran. Le même type de mouvement peut servir à régler l'alarme de la montre en pivotant le cadran en sens des aiguilles ou inverse. Prendre une photo se ferait en pressant comme on cliquerait sur le bouton de la souris. Pour naviguer dans le menu du lecteur de musique, l'utilisateur manipulerait le cadran dans les quatre directions, droite, gauche, haut, bas, et sélectionnerait un morceau en appuyant du bout du doigt. L'équipe de Carnegie Mellon compte faire évoluer son prototype pour ajouter de nouveaux contrôles mécaniques et les coupler avec du tactile et de la reconnaissance vocale. Imaginez si Apple met la main sur tout ça et que Siri est en plus inclus, on pourrait tordre l'affaire, là. Ah, ça serait génial. Tordre Siri, ouais. Maintenant, un robot que rien ne peut arrêter. L'entreprise américaine Robotics Unlimited souhaite produire un robot pouvant atteindre une vitesse de 32 km/h à la course. Inspiré par la biologie, Outrunner se targue d'être le premier robot coureur commercialisé au monde. Il tient en équilibre, peut courir sur pratiquement n'importe quel type de terrain, que ce soit l'herbe, l'asphalte ou la terre, et possède une autonomie de 2 heures. Robotics Unlimited a récemment lancé une campagne de socio-financement sur Kickstarter, évidemment, afin d'amasser les fonds nécessaires à sa réalisation. Les porteurs du projet ont fixé leur objectif à 150 000 $ américains et pour le moment, un investissement de 46 300 était assuré par la communauté en date de la publication de l'article. Allons voir sur Kickstarter évidemment, mettez-nous un lien vers un article qui, lui, doit pointer vers Kickstarter pour qu'on ait le plus de temps possible à passer sur l'attente. On est rendu à 61 000 sur 150 000, mais il reste 5 jours. Bonne chance, hein? Pas sûr. Il faut investir un minimum de 250 $ américains pour obtenir une unité de base à assembler. Donc, c'est la version Core, dont la vitesse est limitée à 16 km/h. La version Performance, qui peut atteindre la vitesse annoncée de 32 km/h, coûtera 800 $ américains. C'est sûrement pour ça que ça monte pas très très vite. Ça monte très vite s'il y avait des gens qui avaient le 800 $ à investir. L'unité, plus dispendieuse, peut être contrôlée avec un téléphone intelligent, en plus de la télécommande, et munie d'une caméra 720p, d'une connexion Wi-Fi, d'un accéléromètre et d'un gyroscope afin d'assurer l'équilibre de l'appareil. Microsoft présente un traducteur en temps réel intégré à Skype. Le groupe informatique américain Microsoft a annoncé une percée dans la traduction automatique en temps réel avec une nouvelle technologie dont il compte intégrer une version test à sa messagerie vidéo par Internet Skype d'ici la fin de l'année. Microsoft a parallèlement fait une démonstration de la traduction quasi simultanée entre l'allemand et l'anglais sur Skype lors d'une conférence sectorielle, la Code Conference en Californie. La technologie sera disponible d'ici la fin 2014 sous forme d'application en version bêta pour Windows 8 et le résultat de plusieurs années de recherche chez Microsoft. Je cite... Il y a eu beaucoup de tentatives au fil des années, dont plusieurs au sein de Microsoft Research. On considérait comme une tâche presque impossible de fournir quelque chose d'utilisable dans la vie réelle qui s'adapte à la voix et aux façons de parler de nombreux utilisateurs différents et aux nuances de diverses langues. Tout ça est maintenant inclus pour les utilisateurs de Skype. Fin de la citation. Microsoft souligne avoir été confronté à des défis importants lors de la conception du système et de son interface pour les utilisateurs, en particulier pour réduire les temps d'attente entre la phrase originale et sa traduction ou pour avoir une application capable de s'améliorer en fonction des retours visuels décelés chez l'utilisateur. Maintenant, une prothèse de jambe inspirée des chèvres de montagne. Oui, il y a certaines choses qu'on doit faire tous les jours, comme manger. Mais pour notre santé physique et mentale, il est tout aussi important de pouvoir faire les choses que nous avons envie de faire, dit Slate.fr. C'est ce que permettent les prothèses spécialisées aux amputés. Si vous n'avez qu'une jambe et voulez faire de l'escalade, vous le pouvez maintenant. Clipa, K-L-I-P-P-A, est un prototype de prothèse créé spécialement pour l'escalade. Son design s'inspire de la manière dont les sabots de chèvre des montagnes fournissent de la traction, une prise, de la stabilité et de la force concentrée au corps qu'elles soutiennent. Le concepteur Kylin, basé à Brooklyn, a utilisé des grimpeurs ayant deux jambes pour tester de nombreuses itérations de pieds et déterminer si elles amélioraient ou entravaient le sport. Lynn a créé Clipa pour les vétérans de guerre qui ont été amputés et veulent aussi de nouveaux challenges, donc des défis physiques. Les articulations du genou de Clipa utilisent un ressort et un cordon spécial pour absorber les chocs et donner plus de contrôle. L'objet a des semelles en caoutchouc et en forme de sabot remplaçable avec un bout pointu qui fait environ la moitié de la taille d'un pied humain. Les testeurs ont trouvé que cette configuration leur donnait le plus de flexibilité pour grimper. Clipa n'est pas encore en production, mais la recherche et la technologie derrière le design semblent bien mûres. Ça donne un drôle d'aspect parce qu'en en effet, ça ressemble à une patte de chèvre. La forme est comme pas habituelle, mais en même temps, on s'habitue assez rapidement aux prothèses que portent, par exemple, les athlètes olympiques ou paralympiques. La forme est bizarre, mais tu finis par t'habituer. Oscar Pistorius, le présumé meurtrier et coureur, porte ça, et puis on s'habitue, je pense. On s'habitue. Et lui aussi, j'imagine. Maintenant, le verre intelligent qui vous dit qu'en boire, on en parlait en introduction, ça m'a mis l'eau à la bouche. Combien d'eau devons-nous boire dans une journée? Quand devons-nous boire? Pouvons-nous boire trop d'eau? Si toutes ces questions vous rongent l'esprit, sachez que la nouvelle bouteille au design raffiné BU vous aidera à avoir des réponses plus claires, nous dit le Huffington Post. Pourvu de sensors connectés à une application mobile, la nouvelle bouteille BU, conçue par les équipes d'Alto Design et de Will.i.am des Black Eyed Peas, sur laquelle 8 experts se sont penchés pendant 12 mois, sera bientôt lancée afin de permettre aux personnes intéressées de surveiller leur consommation d'eau dans une journée. L'application mobile propose la quantité d'eau à boire dans une journée selon votre profil et si vous êtes loin de votre objectif, une lumière s'allumera dans votre verre pour vous indiquer qu'il faut prendre une gorgée d'eau. C'est pas une mauvaise idée. Pour vrai, des fois, j'ai tendance à oublier de boire de l'eau. On a tendance à se faire des cafés ou boire des trucs comme ça qui sont pas nécessairement aussi bons pour le corps. Donc, de l'eau, on l'oublie. 2 heures sont passées avant qu'on ait la chance d'aller en chercher un autre. Et le temps passe trop vite des fois. Bu. Est-ce que vous aviez réussi à trouver le changement dans le logo de Google? Tout le monde en a parlé sur Internet dans le courant de la semaine, donc on est un petit peu en retard là-dessus, mais Colin, je tenais à en parler parce que j'ai vu les gens en parler comme si c'était une joke, une grosse blague, que ça changeait absolument rien. L'affaire avait... OK, lisons l'article et on en analysera après ça. Donc, on imagine que si un des changements fondamentaux du placement des lettres du logo de Google devait avoir lieu, beaucoup d'internautes le remarqueraient. Mais en fait, semaine passée, le changement a eu lieu et ça a été porté à l'attention de Reddit par un utilisateur nommé Roastmasters. Le fil Reddit, donc, pointe l'évolution. Ça consiste en un pixel bougé légèrement sur la droite, en bas du G minuscule, et un pixel déplacé vers le haut et à droite du L. Ce changement fait partie d'un procédé appelé le kerning, dans lequel les designers espacent les lettres pour que ce soit agréable au regard et cohérent. Donc, le bas du L et le E n'étaient pas alignés horizontalement, et ça devait rendre folle certaines personnes qui s'en occupaient. Donc, c'est ça, c'est l'article de Slate.fr, qui est supposé être un site geek, dit, et je cite à la fin de son article, « Personne ne voit la différence, mais ne laisse pas cela t'arrêter, Google. Fais comme il te plaît. » C'est Lily Hayne Newman, traduit par Grigor Brandy sur Slate.fr, qui dit ça. Et je trouve ce commentaire-là tellement imbécile. Du kerning, c'est super important. T'sais. Dans le design, quand les lettres ne sont pas alignées correctement, ça paraît. L'être humain moyen ne saura pas dire qu'est-ce qui n'est pas correct dans le logo, mais il y a quelque chose qui cloche. C'est un peu comme quand tu peintures un appartement et qu'il y a une trace qui dépasse un joint du mur. Tu sais, c'est pas grave, mais c'est sûr qu'à l'œil, ça paraît quelque chose qui cloche. Dans une maquette de journal, quand les lignes n'arrivent pas droites en bas, tu sais, ou que sont trop proches d'une publicité, ou quelque chose comme ça, il y a un détail comme ça, tu sais pas c'est quoi le problème quand t'es un être humain qui est pas designer, mais tu sais quelque chose cloche. Donc, quand Google s'est aperçu du problème, ils l'ont réglé. Ça leur a pris sûrement 3 secondes, mais au moins ils le font, ça montre un petit peu l'attention aux détails que Google peut avoir. Peut-être pas autant que Apple, parce que si on regarde Android de Google, l'attention aux détails est clairement pas là, à mon avis. Tout est vraiment dégueulasse, tout croche et fonctionne mal, à mon humble avis. Mais bon, donc au moins ils ont une attention aux détails sur quelques affaires chez Google. Et moi, je trouve que c'est à apprécier et non pas à ridiculiser comme on fait bien des gens sur Facebook, entre autres, en fin de semaine. C'était mon éditorial là-dessus. Maintenant, une autre chose qui me dérange un petit peu, c'est la publicité qu'Ubisoft a fait pour lancer Watch Dogs. L'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft a présenté ses plus plates excuses après l'évacuation d'un bureau dans le centre de Sydney, en Australie, et l'intervention de la police à la suite d'un coup de publicité qui a mal tourné. Donc, dans le cadre de la campagne de lancement de son nouveau jeu Watch Dogs, Ubisoft a envoyé au bureau d'un journaliste une copie de sa production dans un coffre-fort noir, accompagné d'une note lui demandant de consulter sa boîte vocale. Donc, le journaliste qui travaille pour une société de médias numériques, 9MSN, et qui n'écrit pas sur les jeux vidéo, donc qui ne connaît pas le domaine, n'a pas de boîte vocale. Lorsqu'on a voulu ouvrir le coffre, ce dernier a sonné. La police a été appelée et les bureaux ont été évacués. Les officiers ont forcé le coffre et découvert le jeu Watch Dogs à l'intérieur, ainsi que des gadgets promotionnels. Dans un communiqué, Ubisoft a indiqué que la livraison ne s'est pas déroulée comme prévu. No kidding. Le groupe présente ses excuses sans réserve et promet de s'assurer que cette sorte de situation ne se reproduise pas. Watch Dogs est sorti la semaine passée. Jeu sur la surveillance, etc. Quelle drôle d'idée d'envoyer presque une bombe. Pour vrai, avec les controverses et les affaires de terrorisme depuis les dernières décennies, est-ce qu'envoyer un coffre-fort blindé avec un message sur une boîte vocale qu'un gars n'a pas est vraiment la meilleure idée pour faire de la publicité sur ton jeu? Je crois que c'est une erreur de jugement de la part de Ubisoft et j'espère qu'ils vont apprendre de leurs erreurs. J'espère qu'ils ont eu au moins une petite amende à payer pour avoir fait venir la police pour rien, tu sais. Mais bon. La bonne nouvelle jeu vidéo de la semaine pour moi, en tout cas, c'est le Gamepad. Bon, évidemment, alors que le Gamepad est attendu comme un des axes importants de Nintendo à l'E3, le japonais va proposer une nouvelle option de contrôle sur la Wii U en plus de la manette Pro Controller et de la Wiimote. Son nom est la WaveBird. Peut-être que WaveBird vous dit quelque chose. C'est que c'est un adaptateur tout à fait officiel qui va prendre les 2 ports USB de la console Wii U et qui va permettre de ressortir de votre garde-robe avec un relent de souvenirs et de mélancolie la manette GameCube pour jouer au prochain Super Smash Bros. Wii U, la version Super Smash Bros. Sur la Wii U, évidemment pas seule sur la 3DS. Ça va être le premier jeu compatible avec le pad pensé par Shigeru Miyamoto. Évidemment, la sortie d'un tel adaptateur qui n'a pas de prix et de date pour le moment semble naturellement, ouvrir la porte à une future rubrique GameCube sur la console virtuelle de la Wii U. C'est ce que je reprochais à la console virtuelle de ne pas avoir de jeu pour GameCube. qui pourtant était tellement le fun à jouer. Les gens ont des disques durs externes sur leur Wii U. De toute façon, le disque dur interne est tellement petit qu'il faut absolument avoir un disque dur externe. Donc, je comprends pas pourquoi il nous empêche de télécharger des jeux. Je pense, moi, que c'est vraiment à cause de la grosseur des fichiers. Mais bon, tu sais, ça va venir, éventuellement. J'aimerais juste ça que ça arrive avant qu'on passe à la prochaine génération de consoles Nintendo, s'il vous plaît. Qu'on puisse avoir le temps d'y jouer avant de devoir acheter la Wii, Q, peu importe comment ils vont appeler leur prochaine. Toujours avec les jeux vidéo, avec la tonne de rumeurs qui circulent à propos des surprises que nous réservent Microsoft, Nintendo et Sony, il peut être difficile de s'y retrouver, nous dit branchezvous.com. Évidemment, impossible de confirmer ou d'infirmer quoi que ce soit qui se retrouve dans ces articles avant le début des festivités de l'E3, la grosse foire de jeux vidéo la semaine prochaine. Cependant, plusieurs jeux ont déjà été annoncés par la majorité des studios et le blog Latest News Explorer a colligé une liste des principaux titres à surveiller qui seront présentés dans le cadre de la prochaine édition de l'Electronic Entertainment Expo qui aura lieu, évidemment, édition 2014 à partir du 9 juin. Donc la conférence commence le 10 juin, mais la majorité des conférences de l'édition 2014 vont se dérouler une journée avant l'ouverture officielle du salon. Donc si le salon commence le 10, ça va commencer le 9 pour les conférences. Donc allons-y avec une liste en rafale. D'habitude, quand je parle de jeux vidéo à venir, j'ai une chanson pour ça. Fait que je pense qu'on va y aller avec la petite chanson. Voici bientôt sur vos écrans. Donc voici les nouveautés qui s'en viennent dans les prochains mois. Chez 2K Games, on parle de Evolve sur PC, PS4 et Xbox One. NBA 2K15 sur PC, PS3, PS4, Xbox et Xbox One. Xbox 360 et Xbox One. WWE 2K15 qui est à annoncer, donc on ne sait pas encore sur quelle console. On peut s'attendre à pas mal tout. Activision Blizzard maintenant, il y a deux jeux. Majeur qui s'en vient, Call of Duty Advanced Warfare sur PC, PS3, PS4 et Xbox 360 ainsi que Xbox One et Destiny sur PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One. Ce qui me surprend encore, qui sortent des gros jeux, des jeux majeurs, mais en fait ça me surprend plus ou moins, là, mais on les sort encore sur la précédente génération, seulement les jeux majeurs. J'imagine vont avoir le budget pour travailler encore sur les deux consoles. Chez Bandai Namco, on a Lords of the Fallen sur PC, PS4 et Xbox One. Chez Capcom, Deep Down sur PS4 et Monster Hunter 4 Ultimate sur la 3DS. Chez l'éditeur Deep Silver, Metro Redux sur PC, PS4 et Xbox One. Chez Disney Infinity 2.0 sur PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One et Wii U. Et Fantasia Music Evolved sur Xbox 360 et Xbox One. Chez Electronic Arts, c'est ceux qui ont le plus de jeux majeurs en attente. En tout cas, annoncé. Battlefield Hardline sur PC, PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One. Dragon Age Inquisition sur PC, PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One. Je pense que c'est difficile à dire. EA Sports UFC sur PS4 et Xbox One. FIFA 15 à annoncer. Madden NFL 2015 sur PS3, 4, Xbox 360 et One. Mirror's Edge 2, tout le monde l'attend. En tout cas, bien les fans l'attendent. C'est un jeu culte sur PC, PS4 et Xbox One. NHL 15 sur PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One. Star Wars Battlefront sur PC, PS4 et Xbox One. Et The Sims 4 sur PC. Chez Konami, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain sur PS3, PS4, 360 et One. Chez Microsoft, Killer Instinct sur Xbox One, Halo 5 Guardians sur Xbox One et Sunset Overdrive, Overdrive sur Xbox One. Je pensais que Killer Instinct était déjà sorti. Est-ce que c'est moi qui ai mêlé sûrement? Chez Nintendo, Hyrule Warriors sur Wii U, Legend of Zelda, nouvelle version sur Wii U, Super Smash Bros. Sur 3DS et Wii U, bien sûr. Yarn Yoshi, Yoshi Land, ok. J'ai très hâte de voir ça sur la Wii U. Ça va sûrement... ressemblait à... Non, c'était... C'est quoi qu'il y avait d'autre? C'était Kirby qui avait un jeu fait en laine. Hein? Donc, il y a un nouveau jeu avec de la laine de Yoshi. Je ne savais même pas. Je devrais savoir ça. J'adore Yoshi. Et Pokémon Omega Ruby et Alpha Sapphire sur 3DS. Chez Sega, Alien Isolation sur PC, PS3, 4, Xbox 360 et One. Hatsune Miku Project Diva F Second sur PS3 et PS Vita. Et Sonic Boom. Celui-là, j'ai vraiment trouvé la bande-annonce très, très jolie sur 3DS et Wii U. Chez Sony, The Order 1886 sur PS4, Rime sur PS4 et Uncharted 4 sur PS4. Chez Ubisoft, Assassin's Creed Unity sur PC, PS4 et Xbox One. Far Cry 4 sur PC, PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One. The Crew sur PC, PS4 et Xbox One. Tom Clancy's The Division sur PC, PS4 et Xbox One. Et Valiant Hearts The Great War sur PC, PS3, PS4, Xbox 360 et One. Pour terminer, chez Warner Brothers, Batman Arkham Knight sur PC, PS4 et Xbox One. Shadow of Mordor sur PC, PS3, PS4, Xbox 360 et One. Et The Witcher 3 Wild Hunt sur PC, PS4 et Xbox One. Tant qu'à être dans les nouveautés, allons-y avec les nouveautés pour la semaine du 1er juin au 7 juin sur les consoles. Donc, on parle du présent. Ultra Street Fighter 4 sort sur PS3. C'est coté 7.5 selon GameSpot et 8.33 selon les utilisateurs de GameSpot.com. Wildstar sort en passant Super Street Fighter 4 qui est l'édition arcade. Ça va mettre en vedette 39 personnages et 4 nouveaux personnages ajoutés. Wildstar sort sur PC. C'est un jeu massivement multijoueur et en ligne. Donc on explore, on est soldat scientifique et un paquet d'autres choses en même temps. Murder Soul Suspect sur Xbox 360, PS3, PC, PS4 et Xbox One. Donc c'est des... le joueur doit résoudre le mystère le plus mystérieux jusqu'à maintenant, c'est-à-dire leur propre meurtre. Sur Vita, Hyper Dimension Neptunia PP Producing Perfection. Étrange comme titre, c'est un jeu super japonais. Donc il sort sur la Vita. Kriya sort sur PC. Ça dit pas sur... oui, c'est ça. PC. Worms Battleground sur la PS4 et PlayStation Vita Pets sort sur la Vita, évidemment. Heave Online Chrono sort sur PC. C'est un jeu de rôle en ligne. 8 selon GameSpot et 8.59 selon la communauté. Ensuite, il y a sur Xbox 360 qui sort aussi Ultra Street Fighter 4, donc pas le même jour, on est rendu à mercredi. Noir Syndrome sort sur PC. C'est un jeu de meurtre et mystère en 2D. Où on joue un détective qui doit ramasser des indices ça pour arrêter quelqu'un qui a commis un meurtre. Tango Fiesta sur PC, c'est un jeu coopératif twin shooter, donc quand on tire avec les deux gâchettes, les deux joysticks de la manette. C'est la manette du clavier ou de la souris, peu importe, je joue sur PC dans ce cas-ci. Backstage Pass sort sur PC, je connais pas trop. Mugen Souls, celui-là sort au Royaume-Uni. Richard and Alice sort sur PC, c'est côté 6,6 selon la communauté. Epoch sort sur PC, c'est côté 7 selon la communauté. I've Got to Run sort sur Wii U. Chubbins aussi sur la Wii U. Enigmatis, The Mists of Ravenwood sort sur PC et Beasts of Prey. Pour vendredi, Lifeless Planet sort sur PC. C'est un jeu d'action-aventure en 3D. On a aussi la sortie, attention, de... Est-ce qu'il y en a d'autres? Tomodachi Life, dont tout le monde parle parce que Nintendo empêche les gens de se faire un personnage gay dans ce jeu-là. Mais bon, ça sort sur 3DS vendredi. Z sort aussi vendredi pour ceux qui aiment les jeux de stratégie. Voilà, c'est coté 7,2 selon GameSpot, 8,01 selon la communauté. Close Combat Gateway to Saiyan Kain sort sur PC. Crimson Clover World Ignition, Iron Ball 2, Iron Storm et Free Space 2 sortent tous sur PC. Le dernier que je viens de mentionner, Free Space 2, est un simulateur spatial. C'est coté 9,4 superbe selon GameSpot et 9,25 selon la communauté. C'est un des jeux les mieux cotés cette semaine, sinon le mieux coté. Concursion sort sur PC. Et c'est tout pour les nouveautés pour la semaine du 1er au 7 juin 2014. Voilà pour bientôt sur vos écrans. Ça va être la fin de cette première heure. Dans la deuxième, c'est pour ça que je laisse le temps filer un petit peu, passer une heure, parce qu'on veut que la conférence d'Apple, la Worldwide Developers Conference, se soit bien entamée quand on va approcher le sujet tout à l'heure. Donc, on revient avec ça tout à l'heure. On va entendre, entre autres, parler de la future sortie de iOS 8 sur les iPhones et iPads, ainsi que Mac OS X à Yosemite, probablement, c'est ce qu'on en comprend. Mais bon, je m'en vais ouvrir mes fenêtres pendant la pause. On en parle en direct en ce lundi 2 juin 2014 au Mathieu Plante Show. Restez là. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Bon, retour, c'est la deuxième heure du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. On est à quelques minutes on est à quelques minutes de couvrir le WWDC 2014. C'est déjà commencé. Je suis sur le blog de Mac Rumors en même temps que TechCrunch, Macworld et The Verge. Ils viennent juste de commencer, donc on montre le fait que ça fait 25 ans qu'ils font la Worldwide Developers Conference. Évidemment, je vous parle de la conférence qu'Apple présente devant les développeurs d'applications. C'est là qu'on va révéler iOS 8 fort certainement, ainsi que Mac OS 10 à Yosemite. J'espère que tout ça est vrai parce que c'est ce que les rumeurs disent un petit peu partout sur Internet. Donc, aussitôt que ça commence, on va suivre ça en temps réel. On va faire d'autres chroniques pendant ce temps-là, évidemment, parce que les choses avancent pas nécessairement vite dans une conférence. On se s'auto-congratule, on montre des PowerPoints et des publicités. On va plus finir en ce moment. C'est comme ça que ça commence à chaque fois. C'est un petit peu long. Ah, ça commence. Donc, pour l'instant, un petit peu de chiptune encore, évidemment. On va commencer cette deuxième heure avec une chanson de Duck Boy. Ce sera le boss theme de Sonic the Hedgehog 2, Duck Boy Remix. On va entendre ça à l'instant. Mathieu Plante, show MPS sur C'est Fou 89 FM. Jug 2 Boss Team, Duck Boy Remix par Duck Boy. Très très bon, j'aime bien ça. Donc tantôt je vous disais qu'on allait commencer à couvrir un petit peu notre superbe WWDC 2014. Et il se passe pas énormément grand chose encore en ce début. On est en direct lundi 2 juin, il est 13h11. Donc ça va être super temporel comme annonce. On va commencer par le début, bien sûr, pour se mettre à jour un petit peu avant de passer à autre chose. Il y a tellement eu de mises à jour. Donc évidemment, Colin. Il y avait tellement de musique et de choses par rapport à la foule sur place que c'est un petit peu inintéressant. Il jouait du Jack White, apparemment. C'est magnifique, tout ça. Donc, on a baissé les lumières. Ça, c'était vers les 10h environ. Ils ont quand même commencé à l'heure. Donc, il a commencé en disant que c'était évidemment un événement pour les développeurs, surtout. Là, quand je dis « il », c'est évidemment chose Tim Cook, là. Tim Cook. Donc, on a baissé les lumières, c'est ça. Ça disait que c'était pour les développeurs principalement. Ensuite, une petite vidéo avec Daniel Libeskind, architecte, qui parlait de dessiner avec l'application Paper. Il était quand même pas mal excité, apparemment. Il a parlé de Airbnb, hein, qui permet de louer un appartement comme si c'était une chambre d'hôtel. Ensuite, ils ont parlé de Tinder un petit peu. Mm-hmm. On a vu Emily Penn dans la vidéo qui utilisait un iPad avec plusieurs applications pour essayer de sauver l'océan. C'était une biologiste marine. Donc, ça montre évidemment tout ce que les appareils Apple peuvent faire, tout en train de se féliciter, les petites vidéos publicitaires qui vont sûrement être utilisées plus tard pour faire des publicités. Donc, c'est ça, c'est Tim Cook qui venait de sortir à 10h05, donc avant ça, ça ne devait pas être Tim Cook, mais bon, peu importe. Grâce à l'applaudissement, Tim Cook est sur scène, bienvenue à San Francisco. De la part de tout Apple, merci beaucoup d'être là. Nous sommes ici toute la semaine pour célébrer les développeurs et les applications qu'ils développent. C'est une année importante pour cette conférence, c'est le 25e anniversaire. WWDC est une grande conférence pour Apple. Nous avons plus de 1000 de nos meilleurs ingénieurs ici pour vous parler. Évidemment, pendant la semaine au complet autour de ça. Nous avons des gens qui proviennent de plus de pays que jamais auparavant. Et deux tiers des gens qui sont ici pour la première fois au WWDC, nous dit-il. Notre plus jeune personne dans le public a 13 ans. Nous allons voir les applications de sa part pendant les prochaines années, pendant très très longtemps, nous dit-il. Nous avons maintenant 9 millions de développeurs enregistrés. C'est beaucoup de développeurs. Ce matin, nous allons parler de deux plateformes. Il est rendu 10h08. Là. Je suis ça avec un petit peu de délai, là, évidemment, pour essayer d'avoir le plus de choses à dire en ce début d'heure. Donc, ce matin, nous allons parler de deux plateformes, OS 10 et iOS, bien sûr. Donc, vous allez voir comment ils ont été organisés, engineered. On a ingénierié ça pour que tout fonctionne ensemble. Nous avons donc dédié une grande partie de la présentation à ces deux plateformes. Commençons avec OS 10 et le Mac. Bon, là, évidemment, il va faire un paquet d'auto-félicitations encore une fois. Donc, l'industrie du PC qui a descendu de 5%, mais les Mac, eux, ont grandi de 12%. Donc, ils ont pris de l'ampleur. La base de Mac est présentement à 80 millions d'ordinateurs. Notre plus récente sortie OS 10 Mavericks a donné de très bons nombres, de très bons chiffres, de très bons téléchargements. Évidemment, c'est parfait pour les power users, nous dit-il. Nous avons installé plus de 40 millions de copies de Mavericks, qui est la plus grande sortie de l'histoire d'Apple. Aussi, 50% de notre base d'ordinateurs fonctionne sur le plus récent système. Vous vous demandez comment ça se compare à Windows? Eh bien, j'ai décidé de faire un petit tableau, nous dit Tim Cook. Donc, c'est très impressionnant. Sur le tableau, on montre Mavericks à 51% des utilisateurs de OS 10, alors que Windows 8 est présentement à 14% par rapport aux autres versions de Windows. Très, très impressionnant. Windows 8 qui est envoyé un an avant Mavericks, qui était 14%. Donc, ça paraît que les gens n'aiment pas Windows 8. C'est ça. Craig Ferrighi, un des designers, en fait le designer en chef, je crois, si je me rappelle bien de son titre, chez Apple. Donc, il nous présente OS 10. OS 10.10, bien sûr. Après OS 10.1, 2, 3, on pensait qu'il allait peut-être passer à OS 11 un jour, mais non, ça reste encore OS 10.10. Je pense qu'il n'y a pas du tout de rumeur de OS 11. Je pense qu'ils vont rester là-dessus très très longtemps. Donc, il arrive sur scène, 10h12 environ. C'est merveilleux d'être ici pour vous présenter OS 10.10. Vous êtes tous fantastiques. C'était il y a un an que à la WWDC où on a évité une crise des noms d'OS 10. Évidemment, on se rappelle à ce moment-là, on nommait OS 10 par rapport à des chats. Quand OS 10 Mavericks est sorti, tout le monde se disait que bon, quand même, c'est des cours d'eau, c'est des lacs, c'est des rivières. Non. Je pense qu'il y a quelque chose que les journalistes n'ont pas compris. C'est des endroits en Californie. Donc, pour vrai, il y avait des journalistes qui pensaient que c'était des cours d'eau. Je sais pas où ils avaient pris ça, mais bon. Donc, ils sont passés des chats à des endroits merveilleux, magnifiques, en Californie. Donc, une autre année, c'est le moment de trouver un autre nom. Nous avons mis notre équipe dans une minibus VW Volkswagen et on les a envoyés sur la route pour trouver d'autres endroits. Ici, évidemment, côté humour, on peut pas faire mieux. Hein? Ils passaient des options de nom, des fausses options. OS 10 Oxnard. Ensuite, OS 10 Weed. OK, pourquoi pas. Qui avait un paquet de soutien de la part de tout le monde. Ah, regarde-moi ça! La prochaine image est exactement ce qu'on pensait tous dans les rumeurs sur les sites d'Apple. On parle donc de OS 10 Yosemite. Vous l'apprenez comme ça en direct, presque, parce que ça a été annoncé à 10h13. Donc, 13h13, heure de l'Est. Nous, il est 13h16, donc à 3 minutes de délai. Donc, OS 10 Yosemite. C'est drôle quand même qu'Apple a fait des blagues sur son nom avant. Donc, la prochaine diapositive nous montre interface, application et continuité. Donc, nouvelle sortie de OS 10 avec une nouvelle interface, oui, et plusieurs améliorations à leurs applications qui viennent avec OS 10. Donc, on appelle ça de la continuité, nous dit-il de M. Ferrighi. Donc, pour l'instant, parlons de design. C'est évidemment le bout de la conférence qui, moi, m'intéresse le plus. Le look de macOS 10 Yosemite. Donc, petite vidéo de design qu'on nous montre. J'aimerais pouvoir l'écouter en direct. Par contre, je suis allé sur le site d'Apple et c'était pas fonctionnel. Donc, pour l'instant, je vais devoir continuer de vous décrire ça. J'aurais aimé vous faire entendre les extraits de tout ça. Bref, Apple qui montre la base du nouveau design de l'OS. Donc, beaucoup de grilles. Donc, on rapproche les choses et de nouveaux icônes. Étrangement, donc la foule qui applaudit. Donc, c'est vraiment une version iOS-ifiée de OS 10, nous dit The Verge. La vidéo du design démarre avec les icônes en bas, évidemment dans le tree, la barre en bas de l'écran. Donc, les icônes sont très, très beaux, plus plats, mais pas aussi plats que ceux sur iOS. Il y a comme une richesse quand même dans les images. Par exemple, l'icône des paramètres est carrée. Un petit peu comme sur iOS avec l'engrenage à l'intérieur, mais l'engrenage a beaucoup plus de détails à la place d'être juste une ligne blanche. Mais en fait, est-ce que c'est une ligne blanche? Il me semble qu'il est quand même assez défini sur... ouais, c'est ça. Il est quand même assez défini, mais plus plat sur iOS que sur OS 10.10. Donc, c'est ça, très, très plat. Mais quand même, on a travaillé beaucoup sur les icônes et ça, c'est très, très beau. En tout cas, sur les images que je vois ici, je vais essayer d'arrêter de juste traduire ce que The Verge dit et de me faire mon propre avis. On voit les images de très, très loin sur The Verge, donc je peux pas voir grand-chose. On voit beaucoup de les icônes, le X, le moins, et tout ça sur les coins des fenêtres ont été aussi très, très aplatis. À la place d'avoir le look bonbon, qui date d'il y a tellement longtemps, des années et des années. Je me rappelle des années, début des années 2000, c'est déjà des bonbons, il me semble. Au milieu, en tout cas, des années 2000. Donc, plus plat, avec un vrai gros contour rouge, mettons, pour le bouton X. Ils ont raffiné quand même les barres d'outils, à peu près tout ce qui est fenêtre de OS X. Donc, ils ont focusé, disent-ils, sur la clarté, mais aussi sur l'utilité de tout ça. Donc, si on regarde les barres titres, on voit... tiens, je cite ici M. Federighi. Si vous regardez les barres titres des fenêtres, vous allez voir l'utilisation de translucidité, qui est très, très le même motif que iOS 7. Donc, on voit au travers des choses. Un peu comme Windows 7 et Windows Vista avaient fait. On voyait au travers des fenêtres. Aussi, qu'ils ont amené Windows 8, ils ont tout raplati en essayant d'imiter Apple. Donc, je ne sais pas si, en s'en débarrassant, Apple s'est dit, bon, ben, quand on va y retourner, ça. Parce que si Microsoft dit que c'est passé date, nous, on va revenir là-dessus. Je sais pas. On dirait que c'est cyclique, tout ça. Faut voir au travers, faut plus voir au travers, faut voir au travers. C'est plat, c'est 3D, c'est plat, c'est 3D. C'est la mode du moment, évidemment. Donc, translucidité, bien fait avec attention, nous dit Craig Federighi. Si vous changez votre image de fond d'écran, vos fenêtres vont subtilement s'adapter à la température de couleur de l'arrière-plan. OK? J'ai très hâte de voir ça. Vraiment beaucoup. Pour vrai, les images sont des photos présentement sur The Verge et les autres, donc on voit pas si bien que ça la translucidité. Évidemment, c'est translucide aussi quand les fenêtres se mettent une par-dessus l'autre. Là, on est en train de nous montrer encore une fois les icônes en dessous en bas de l'écran. Si on regarde la poubelle, ils disent avoir passé beaucoup de temps sur cette poubelle-là pour essayer de la rendre la plus parfaite possible. Oh! Là, on voit les menus et la barre d'outils en haut. Sur macOS 10, vous savez en fait qu'il y a une barre grise qui était transparente depuis les dernières versions. Moi, je le mettais tout le temps opaque pour qu'on ne voit pas au travers parce que je trouvais que ça fitait bizarre. Mais là, ils ont vraiment changé. Il n'y a plus d'emboss. Donc, il n'y a plus d'effet de profondeur sur la barre d'outils. C'est vraiment une ligne noire transparente avec le texte en blanc. Très, très, je trouve, plus gras que je m'attendais dessus. Et les menus, quand ils se déroulent, sont aussi d'un noir, mais même plus d'un gris, très plus transparent encore. Donc, ça fait spécial. Il va falloir définitivement s'habituer à ça. Les changements vont aux applications, évidemment, dans macOS 10 aussi. Nouveau look pour les applications comme message. Beaucoup, beaucoup de looks vitreux. Donc, évidemment, Craig Federighi qui dit que c'est la meilleure version d'OS X jusqu'à maintenant. Il dit ça à chaque fois. Pour les applications, donc la translucidité va plus loin que seulement la barre d'outils. Ça va aussi dans les barres sur le côté, ce qu'on appelle la sidebar. Ensuite, il parle de Notification Center avec une nouvelle vue pour montrer les activités d'aujourd'hui. Ça vient directement d'OS X. Donc, la barre de notification, c'est ce qui apparaît quand on drague avec ses doigts de la droite du trackpad. Donc, Notification Center qui est aussi translucide. Donc, je crois qu'à la place de tasser l'arrière-plan comme ça faisait, maintenant, on voit par-dessus l'arrière-plan. Donc, on voit au travers, si je comprends bien, à la place de tasser les choses. J'aimais bien tasser les choses. Je trouvais ça plus fun de tasser les choses, d'avoir un arrière-plan. Mais bon, chacun sa façon de faire ici. On va pouvoir ajouter des choses dans le Notification Center via des widgets dans le App Store. Apple qui revient aux widgets, vous vous souvenez peut-être l'application de widget où on pouvait voir une calculatrice, un calendrier, des trucs comme ça sur son bureau. Et maintenant, c'est devenu un écran séparé, un autre desktop presque dans macOS depuis les dernières versions. Donc, on revient à des widgets, mais dans la barre Today. Je ne sais pas si ça veut dire qu'ils vont se débarrasser des widgets comme ils étaient avant. D'après moi, ça ne durera pas longtemps, ces anciens widgets-là. On va sûrement passer au nouveau genre. Un nouveau launcher, Spotlight. Évidemment, Spotlight existe depuis toujours, mais on a complètement changé le fonctionnement de Spotlight. Pas depuis toujours, depuis quelques années quand même. Donc, on change le fonctionnement. Ils vont nous faire une démonstration. On regarde ici Yosemite. On tape le mot Yosemite dans le launcher. À la place d'être le Spotlight comme dans le coin, comme d'habitude, on cliquait dans le coin sur la petite loupe, il y avait une fenêtre qui apparaissait, une minuscule barre, et on tapait quelque chose. Maintenant, ça apparaît dans le centre de l'écran. Il y a plusieurs choses qui s'affichent, par exemple, bon, des définitions de dictionnaire, tes fichiers, des trucs comme ça, des adresses web que tu as utilisées. On montre ensuite, évidemment, la translucidité de la barre de titre. Bon, super. Le calendrier qui a maintenant une barre à côté, à gauche, avec des informations qui ont l'air d'être un petit peu plus utiles que le calendrier tel qu'on le connaît. Il y a bien des gens qui chialent sur le calendrier de OS X en ce moment. Donc, ils vont l'améliorer apparemment. Il capote trop sur la translucidité. Là, on a compris, là. Il nous montre des images d'absolument tout. Dans Messages, on voit notre arrière-plan. C'est la même chose que dans Windows Vista. Dude. La même chose, là, je veux dire. La translucidité, je veux dire. À un moment donné, on dirait qu'il s'accroche sur une affaire et il en met absolument partout. C'est comme overdone, je trouve, mais bon. Mais quand même, les widgets sont bien faits. Des widgets pour le Notification Center avec des scores de matchs de sport. On peut mettre la calculatrice directement dans le Notification Center. Donc oui, ça pourrait être vraiment pratique. Un peu comme sur l'iPhone, on fait juste draguer de bas en haut pour avoir accès à une calculatrice. Ici, c'est la même chose, mais de droite à gauche sur macOS. Il nous montre les contacts qu'il cherche dans vos documents et vos événements de calendrier pour trouver vos contacts. OK, parfait. Il fait des... on va commencer à être presque à jour. Donc, on était à une minute de délai du direct en ce moment. Donc, Spotlight qui ressemble beaucoup plus à Alfred et d'autres launchers qui existent depuis quelques temps quand même et que les gens aiment beaucoup. Il remplace le Spotlight d'Apple parce que c'est plus fonctionnel. Donc, maintenant, Apple s'est empressé de sauter sur le même genre de choses pour pouvoir presque rendre les autres obsolètes. C'est ce qu'Apple fait depuis toujours. Donc, c'est à peu près ça pour l'instant. Ensuite, on va parler de iCloud Drive. Donc, on va mettre ça sur pause pour l'instant. Je vais essayer de suivre le rythme pendant qu'on va retourner entendre... qu'est-ce qu'on pourrait bien aller faire en ce moment? J'aimerais mieux ne pas passer toute la deuxième heure là-dessus quand même. Donc, on va entendre une autre chanson de chiptune. Tiens, on était rendu à celle-là. C'est Limitation par Dan Tillian. On écoute ça et on revient avec plus de WWDC 14. Au Mathieu Plancho. Il nous reste aussi What Web à faire juste après. Assez fou pour l'écouter. 89.1. Toujours Mathieu Plante, avec Mathieu Plante. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Je suis toujours en train de suivre la WWDC 2014. Donc en ce moment, bon, on a montré un petit peu Mail. On est encore sur la transparence. Il y a aussi le iCloud Drive pour Windows, OS X et le web pour voir tous vos fichiers un peu à la Dropbox avec une interface traditionnelle de dossier. Donc vous allez pouvoir voir vos fichiers en temps réel sur tous vos appareils. Ça, c'est une très bonne idée. Ensuite de ça, qu'est-ce que... arrête de scroller tout seul. Arrête donc. Il y a... j'ai ça. Les photos se chargent et font descendre ma page à chaque fois. Donc, c'est ça. Spotlight qui va intégrer les résultats de recherche, comme on a dit tantôt. Vous allez pouvoir taper, mettons, sushi et chercher des restaurants de sushi directement dans OS X avec le Spotlight. Maintenant, on montre le mode private browsing, donc le mode porno, comme on appelle tout le temps. pour je sais pas pourquoi. Ça existait déjà, cette affaire-là, mais bon. Des améliorations. Anciens, vous allez pouvoir transporter vos onglets dans une autre fenêtre, vos onglets privés. Et ben, bref, je suis ça. Pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Aussitôt que ça déboule un petit peu, on va laisser l'émission continuer et puis revenir. J'espère que d'ici la dernière demi-heure, on va avoir eu le temps de peut-être se transporter un petit peu à iOS 8. Parce que pour l'instant, macOS 10, on s'entend qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau vraiment là-dedans. On va y aller avec notre petite chronique survol du net. Pour l'instant, tiens, voici WoW What Web. Donc, WoW at Web, où on fait un petit survol de ce qui se passe sur Internet. On va aller rapidement pour essayer de gagner le plus de temps possible pour parler d'autres choses plus tard. Donc, commençons par des cadeaux de la fête des pères en 1994. Je pense même que je vais commencer avec plein de vidéos pour l'instant. Tiens, on va regarder. Ah, tiens, ça, c'est beau. Comme mes pères, je ne suis pas à jour, les ordinateurs. Pour la fête des pères, j'aimerais mettre ce bureau dans l'ordre. Now that's a view. Wow, ça c'est une vraie beauté. Donc c'est un téléphone à écran de Philips qui est capable d'emmagasiner l'équivalent de Rolodex pour tous vos numéros de téléphone. Vous allez pouvoir aussi avoir accès à votre compte en banque, payer vos factures sans écrire de chèque ou prendre un prêt à la banque sans paperasse. Tout ça pour moins de 800$. And a lot more expensive than the last generation of PowerBooks, but with some interesting new features. Check this out. No mouse. Oh, pas de souris, ce portable n'a pas de souris. À la place, il y a un trackpad qui répond à mon toucher. C'est tellement inutile de faire ça en rage comme ça. Et le téléphone a un clavier qui peut sortir en dessous du téléphone. Donc, vraiment, il y a un petit clavier qui sort. Là, il insère sa carte de guichet. Et il peut choisir des messages pré-tapés ou encore taper lui-même un message. Nothing's the same in the office of the 90s. Rien n'est pareil dans le bureau des années 90. Là, il y a son petit stylo. Et tu vois qu'il a enregistré les messages, il peut les lire. Ah, il y a aussi un cadre avec la face, la photo de sa fille et un message préenregistré qui dit « Je t'aime, papa ». Et là, il peut envoyer un message à son imprimante de faire imprimer quelque chose, un document. Now that color printers like this one from Hewlett-Packard have dropped in price and risen in print quality. The 560. C'est ce que j'aime de pouvoir couvrir la WWDC 2014 ainsi que des publicités de 1994 où il fait imprimer un dessin de son enfant. Il fait des grimaces à sa fille via son téléphone à écran, bien sûr. Et sa fille lui envoie un message: bonjour papa. Now, seriously, folks, any would-be executive worth his or her salt will want one of these. How does it work? It's basically a phone call with the audio and video transmitted over the same. Donc, c'est un combiné téléphonique et on envoie le son et l'image en même temps. Il faut vraiment qu'il nous explique tout ça parce qu'on part de loin quand même. Some turtle soup and make it snappy. Apparemment que vers les 2 minutes 55, il y a un segment sur le bureau mobile avec un ordinateur portable avec imprimante intégrée pour moins de 3 000$. Un fax qu'on tient dans sa main qui a besoin d'un très énorme téléphone cellulaire pour être opéré. Et un beeper qui peut recevoir des messages jusqu'à 120 caractères. Wow! Et c'est si on appelle le numéro 1-800 et qu'on dit son message à un opérateur humain. Wow. C'est magnifique. Donc, allez voir sur assemblagerequis.com. C'est le premier lien sur le bord. D'ailleurs, on va reculer encore un petit peu plus en 1993 pour entendre un ordinateur booter. Pourquoi pas? Donc, un PC qui boot et ensuite une imprimante qui va démarrer. Donc, on appuie sur le bouton de l'ordinateur de 1992. 93, va. Avec Windows 95. Ça, c'est l'imprimante, évidemment. Oups. Tout va bien. Un bip. Je pense qu'il y a un oiseau en arrière aussi qui n'est pas très, très familier avec ces sons-là. Le ventilateur, le disque dur qui gratte. Le lecteur de disquette aussi. Allez, chanson thème, allez. Son composé par Brian Eno. Windows 7 est pas même plus rapide que ça, hein, à démarrer. Sauf qu'il y en a plus à charger quand même. Ah, c'est long. Ah, mais ça vaut toujours la peine, c'est toujours très satisfaisant d'entendre Windows 95 chargé. Microsoft Office 4.3, ensuite, qui est chargé et qui est compatible avec les fichiers de 2007, si on met les plugins dedans, etc. Donc c'est ça, allez voir cette vidéo-là aussi sur assemblagerequis.com. Une autre vidéo à regarder, c'est celle de Augmented Reality, bien sûr. Je pense, ma vidéo préférée cette semaine. Vous avez peut-être vu circuler. Sinon, ben, quand même, je vous décris rapidement. C'est le gars en stop motion qui fait des dessins sur des acétates, donc des plastiques transparents, et qui fait ça image par image. Donc, il fait animer tout ça en post-production, bien sûr. Donc, il a fait chacun de ces dessins-là sur un acétate différent, ou j'imagine qu'il a peut-être effacé sur le même acétate, là. Donc, on voit des yeux et un homard sortir d'une poubelle, en fait, transporter une poubelle et manger des choses. Et là, on voit un petit bonhomme courir sur des saucisses dans un dépanneur, mettons. Un pingouin qui danse dans un congélateur. Donc, évidemment, il a fait chacune de ces images-là et... c'est beaucoup, là, quand on le voit danser, il y a probablement dans le coin de 30 images secondes. Ensuite, une boule de poils qui crache un chat. Et c'est tout ça, c'est des dessins faits sur des acétates. Donc, je ne passerai pas plus de temps là-dessus parce que c'est à la radio. Mais allez voir sur assemblagerequis.com. Moi, je trouve que c'est vraiment très, très bien fait. Ensuite, il y a un homme qui est un one-man band et qui fait les chansons thèmes de Star Wars et de Tetris. Évidemment, s'il fait Star Wars. Le gars est un homme orchestre, donc chacun des instruments sont attachés sur son dos avec une cymbale en haut, un clavier à sa taille. Un petit xylophone qui n'est pas attaché à lui, bizarrement. Il joue même apparemment de Final Countdown à un moment donné. Magnifique! Je voulais arrêter avant de passer à Final Countdown. Ici, c'est un gars qui joue des chansons thème de jeux vidéo à la guitare. Pac-Man, Mario Bros. Legend of Zelda. C'est dur de parler par-dessus, évidemment, ça bloque toute la musique. Tetris. Street Fighter 2. Super Metroid. Sonic 2. Donkey Kong Country, Pokémon sur Game Boy, Crash Bandicoot, Metal Gear Solid, Final Fantasy VII, Halo Combat Evolved. Le gars s'appelle Chad Guy en passant. Chad Guy, Chad Neat, N-E-I-D-T. Portal, Elder Scrolls V Skyrim, Red Dead Redemption. Hey, wow. Hi, hello, this is the chat. Il y a un album qui vient de sortir, bon, en fait, qui est sorti au mois de janvier. J'aime ce genre de vidéos-là, c'est sûr qu'à la radio, c'est difficile de parler par-dessus. Désolé. On reste dans les petites vidéos, ici avec... bon, en fait, est-ce que je les présente les derniers? Non, t'sais. On va arrêter là-dessus pour l'instant avec les vidéos. On va y aller avec des articles un petit peu plus. Faut se dépêcher parce qu'il nous reste encore Double Trouble à faire. Ensuite, comment faire vous-même en carton des bricolages de plateaux d'émissions de télé connues? Par exemple, ici, on a Friends, I Love Lucy, The Addams Family, The Ellen Show, Frasier... non, pas Frasier, pardon, ça c'est une suggestion du site. C'est vraiment des cartons. Vous pouvez les faire vous-même à la maison en suivant les instructions qui sont disponibles sur assemblagerequis.com. Ensuite, ah tiens, je vais me retourner ici. Il m'en restait encore d'autres. Attendez un petit peu. Où étais-je rendu? Mais dans mes affaires. Ah, ok. Non, le reste, je vais sauter tout ça. Il y a des noms nerds. Qui ont été donnés en 2013 à des enfants. Donc, choisir un prénom pour son enfant, c'est quelque chose de compliqué. Selon le site Nameberry, des noms très inhabituels ont été donnés l'année passée. Donc, aux États-Unis, entre autres, des noms... là, évidemment, on a déjà tous vu des noms composés comme Charlotte Rose, Patrick Dignon ou Marcus James. Mais il y a aussi eu des noms geeks. Par exemple, selon la US Social Security List, il y a au moins eu 5 fois cette année... on répertorie tous les noms qui ont été donnés plus de 5 fois. Par exemple, 63 filles ont été nommées Vanellope, 7 filles ont été nommées Rarity et un autre 7 Prim. Donc, c'est des noms quand même assez geeky. Pour les noms de garçons, il y a eu 6 Kindle, comme le lecteur de livres d'Amazon. 6 garçons nommés Charger, comme un chargeur. Et 5 ont été nommés Captain, avec un K. K-A-P-T-I-N. Quand même. Il y a des bars nostalgiques, des bars de jeux vidéo. Ça s'appelle Barcade. Donc, super vintage. Il y en a 2 qui vont être ajoutés à Manhattan. Ça coûte seulement 25 cents parfois qu'on joue. Les nouveaux sites vont ouvrir au 148 Ouest et 24e rue à Chelsea. Donc, il va y avoir 24 cuisines complètes et 24, je crois que c'est des trucs de bière en fût. Mais on va aussi pouvoir jouer à des jeux des années 70 jusqu'au début des années 90 comme Tapper. Un jeu où on servait de la boisson d'ailleurs. Donc, Barcade, allez voir ça. C'est une nouvelle application qui va vous permettre de trouver votre téléphone cellulaire en criant Marco. Donc, c'est une application à 1$ pour l'iPhone qui écoute tout le temps à l'arrière-plan et va attendre que vous disiez Marco et ça va répondre par Polo. C'est quand même cool. On peut aussi programmer pour répondre à d'autres noms. Mais bon, je pense que Marco Polo, c'est le plus évident de tout ça. Voilà. Quand même cool. Je vais vous dire le nom pour que vous puissiez aller la chercher. Si vous le cherchez sur le iTunes App Store, cherchez directement Marco Polo. Voilà, Marco Polo, 99 cents. Il y a un homme qui était forcé à vendre sa collection de Lego de 661 livres. Peut-être avez-vous vu passer ça aussi, c'est en Suède. Donc, c'est pour sauver son mariage. C'était un ultimatum. Il demande 11 500 $ pour le tout au complet. Je sais pas si ça a déjà été vendu. Là, je sais que j'ai pris un petit peu de retard en haut à web. Donc peut-être que ça a déjà été vendu. En fait, j'ai tellement de retard que la plupart des articles, j'ai pas envie de les lire. Des peintures classiques remodelées version Photoshop où on a aminci les modèles de ces peintures-là pour montrer de quoi ça aurait l'air, ça aurait eu l'air. Si Photoshop avait existé dans le temps, on fait évidemment des gifs animés pour montrer le avant-après. Le lien sur assemblagerequis.com. Vous pouvez trouver un animal de compagnie qui ressemble à celui que vous avez déjà avec l'application Pet Match. Donc, une autre application à se procurer. Ce que vous avez à faire, c'est partir l'application, envoyer une photo de votre animal préféré, ou l'animal que vous avez déjà ou que vous avez vu sur Internet. Donc, Superfish, la compagnie derrière Pet Match, nous explique que leur algorithme sophistiqué leur permet d'analyser chaque photo et trouver une image presque identique en temps réel. Pas besoin de mots-clés ou d'humains pour trouver ça. Vous pouvez la télécharger sur l'iTunes Store encore une fois. Il y a un nouveau blog videogametumbleweeds.tumblr.com qui s'acharne à trouver des photos de, tu sais, des boules de foin qui dans les jeux vidéo. Donc un peu comme dans les films. Donc il y en a dans Red Dead Redemption. On s'attend à ça parce que c'est un film de cowboy quand même. Mais il y en a plein d'autres dans d'autres jeux. Donc on répertorie et on poste des photos de chacune de ces boules de foin-là. Pour vrai, j'abandonne cette chronique WoWatWeb. Il y en a un paquet d'autres. Je vous laisse les liens sur assemblagerequis.com. Avant de revenir, pour terminer l'émission avec la WWDC 2014, la conférence d'Apple qui a lieu en ce moment où on révèle OS 10 Yosemite ainsi que iOS 8. Allons-y avec notre bloc Double the Trouble qu'on fait à chaque semaine et c'est pas parce qu'on couvre un événement spécial qu'on peut se permettre de sauter par-dessus ça. Donc Double the Trouble qui est le 36e titre édité par le site Overclocked Remix. Celui-ci présente des réarrangements de la musique de la version originale de Donkey Kong Country 3 Dixie Kong's Double Trouble, sorti sur Super Nintendo en 1996. Donc c'est les compositions originales de Evelyn Novakovic et David Wise repris dans une grande variété de styles. On est toujours dans le disque 1. On va le finir bientôt, le disque 1. Il y a 20 chansons dessus. On était rendu aux pièces 13, 14 et 15. Commençons par la 13e. C'est Jason Covenant featuring Akuma Joe Belmont qu'on écoute tout de suite au Mathieu Plante Show. La pièce s'appelle Banana Revolution Live in Concert Cranky's Showdown. We'll be right back. Standing on the edge of life, the last 10 seconds till we're proven right. We'll blow away everything that's come before. Permafrost, Frosty Frolics par Draconiator et Flex Style. C'est de Banana Revolution, Live in Concert, Cranky Showdown par Jason Covenant featuring Akuma Joe Belmont. Il nous reste une dernière chanson à entendre, c'est Kingfisher's Stream par, en fait, en parenthèse, Cascade Capers par Halsey et Matthias Agström-Gurt. On va écouter ça en arrière-plan pendant qu'on parle du WWDC parce que il me reste seulement une dizaine de minutes et je veux pas défoncer trop. Donc, regardons ce qui s'est passé. Il s'en est passé pas mal plus de choses que tantôt. Commençons par iCloud Drive. L'alternative à Dropbox, qui va être un petit peu plus unifiée pour vous. En fait, c'est nouveau comme produit. Dropbox, qui était quand même déjà assez unifié, mais Apple veut essayer de s'approprier ce territoire-là. Façon pratique de travailler sur quelque chose sur plusieurs plateformes en même temps. Donc, tous les fichiers sont disponibles dans le Finder directement. On peut mettre tous les fichiers qu'on veut et ça se synchronise sur tous les Mac. Et tous les iPhones aussi. Maintenant, c'est comme s'il y avait un troisième disque dur dans le nuage, nous dit-on. Et c'est compatible avec Windows. Ça, c'est très amusant. Nouveau mail, version un petit peu plus simplifiée. Il voulait adresser plusieurs problèmes qu'il trouvait dans mail. Bon, voilà. Ensuite, il change tout avec MailDrop. Voilà, MailDrop qui est une façon d'envoyer des fichiers à des gens. Ça va créer un lien secure pour les fichiers qui sont trop gros à la place de faire rebondir le courriel. Les fichiers vont être dans le nuage. C'est très cool. Ensuite, Safari. Ils ont pu mettre tout le pouvoir de Safari dans une seule barre. Version très, très simplifiée encore une fois pour le nouveau Safari qui tasse presque tout le look du chemin. La barre d'URL, d'adresse, est maintenant à la place du titre Safari. Donc, il n'y aura plus le titre Safari directement dans cette barre-là avec le plus, le moins, tous les boutons et les onglets et l'interface URL, tout ça dans la même barre de titre. Ça a l'air assez beau quand même. Donc, c'est un changement d'habitude, bien sûr. Aussi pour les recherches Google là-dedans. Bon, là, on parle d'un paquet d'autres choses de Safari par rapport au standard. Là, c'est plus pour les développeurs que ça cible ça. Si vous utilisez les onglets, vous allez adorer la nouvelle façon d'utiliser ça. Les onglets scrollants avec une nouvelle vue d'onglet qui a l'air assez confuse. Mais on peut faire des piles, des empilades, si on veut, d'onglets maintenant. Bon, enfin, on va pouvoir cet automne. On va pouvoir aussi partager des choses. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Bon, un paquet de choses super développeurs. AirDrop qui fonctionne maintenant entre iOS et le Mac. Donc, on va pouvoir s'envoyer des choses via ce qu'on pouvait pas faire avant. Il fallait des applications externes qui fonctionnaient jamais. Pour vrai, j'ai eu toujours de la misère avec les logiciels où on pouvait envoyer des fichiers ou des adresses entre iPhone et Mac. Je trouvais que ça allait vraiment mal. Donc, maintenant, apparemment, ça va fonctionner beaucoup mieux. On va pouvoir envoyer ces trucs directement et continuer en temps réel, mettons dans un document Pages entre iOS et l'ordinateur et le contraire. Continuer un courriel, par exemple. Ouais. Ensuite, les messages SMS. Oh, quelle bonne nouvelle! On va pouvoir envoyer des SMS sur sur Mac. Donc, on va pouvoir démarrer un hotspot du iPhone sur le Mac. Ça va reconnaître votre téléphone et va vous laisser tout installer ça. C'est ça. Donc, les messages SMS se transféraient pas nécessairement quand il y avait d'autres appareils. Bien, en fait, ils se transféraient pas quand il y avait d'autres choses que iOS. Donc, votre téléphone va maintenant être un relais, nous dit-on. C'est ce que j'en comprends, en tout cas. Ça va fonctionner aussi avec les téléphones. Donc, non pas juste les SMS, on va pouvoir s'appeler en utilisant le Mac comme micro. Donc, quand même assez innovateur, tout ça. On va pouvoir même composer un numéro de téléphone sur une page web. Tout contrôler ça directement du Mac. Intelligent et innovatif. Donc, innovant. Ils vont nous montrer une démo, évidemment, de tout ça. Donc, sautant un petit peu par-dessus la démo, il essaie d'appeler Dr. Dre Live. Oh, il appelle Dr. Dre Live. Ah, évidemment, pour faire l'annonce de Beats. Je pense que c'est assez évident. Donc, Craig est en train de terminer tout ça, les innovations de Mac OS X. Disponible pour les développeurs aujourd'hui. Ça va être disponible cet automne pour tout le grand public. Ça va être gratuit. Et ils font quelque chose de différent cet été, quelque chose qu'on s'attendait pas à voir. Ils vont faire une bêta publique, donc un programme de bêta pour le grand public. Vous pouvez vous inscrire sur le web et recevoir l'accès à Yosemite pendant l'été. Donc voilà, c'est tout pour Tim Federighi. Ensuite, on passe à iOS 8. On n'aura pas grand temps pour aborder iOS 8. J'espère en avoir un petit peu plus que ça, mais ces conférences-là sont tellement lentes et longues. Bon, évidemment, on parle des records de vente, 500, 6 millions, peu importe le nombre de milliards, peu importe. Donc, j'essaie de monter le plus vite possible pour essayer de dire le plus de choses possible. Donc, iOS 8, ils ont raffiné le Notification Center avec les notifications interactives. Alors, on va pouvoir répondre à un message texte directement de la notification, un peu comme Android faisait. Par exemple, bon, quelqu'un te demande « Où es-tu? » Tu peux taper directement dans la notification « Je suis à la piscine ». Ça fonctionne sur l'écran barré aussi, le lock screen. En passant à la pièce qu'on écoutait, juste pour ceux qui veulent suivre à la maison, Kingfisher's Stream Cascade Keepers par Halsey, Matthias Hagström et Gert. Désolé de ne pas l'avoir fait jouer à plein volume. Donc, dans iOS 7, oui. Donc, on donnait un double tap au bouton pour accéder aux multitâches. Maintenant, vous pouvez aussi faire la même chose pour avoir vos contacts les plus utilisés. Donc, en haut des fenêtres multitâches, on va pouvoir avoir accès à nos contacts préférés. La vue des onglets dans Safari pour iPad. Donc, il nous montre ça, il nous montre le nouveau look de ça. Nouveau geste pour les courriels dans Mail. Ouais, OK, ils ont vraiment copié tous les autres logiciels de courriel depuis les dernières années. Donc, sur l'iPad, on peut maintenant draguer un message vers la gauche. Toutes les applications font ça maintenant pour mettre à la poubelle, mettre un drapeau ou montrer plus d'options. Donc, on peut maintenant tasser le message pour avoir ça sur l'iPad. Donc, il nous montre une démo. Pas grand-chose a changé pour l'instant dans la démo d'iOS 8. Mais bon, j'imagine qu'ils vont regarder des affaires pour plus tard quand même. On peut liker des trucs sur Facebook directement de la notification. Donc, si Facebook apparaît en notification en haut, il y a un bouton commenter et un bouton liker. On va pouvoir faire directement ça là-dessus sans avoir à ouvrir Facebook, ce qui est parfait. Évidemment, on voit pas nécessairement tout le contenu. Donc, on va liker un petit peu n'importe quoi. Le nouveau, ça c'est bien, le nouvel accès aux contacts dont je vous ai parlé tantôt dans le menu de multitâche. On peut aussi prendre un favori et lui envoyer un message texte, lui téléphoner, faire du FaceTime directement de la vue multitâche. On peut ajouter des événements au calendrier dans Mail à partir d'un menu contextuel. Bon, le reste, parlons de Spotlight un petit peu comme dans un truc tantôt. Dans macOS 10, on nous montrait le nouveau Spotlight. On fait un petit peu la même chose dans iOS 8. On peut chercher des applications, des points intéressants comme des restaurants, des nouvelles, des chansons, même sur iTunes. Donc, c'est un petit peu Siri, mais sans le Siri. Sans avoir à parler, si on veut. On peut faire des recherches Wikipédia aussi. Oh, attention. Nouvelle fonction pour le clavier qu'on appelle QuickType. Donc, Craig Thurie, encore une fois, parle des difficultés du clavier sur les appareils iOS. Évidemment, j'ai toujours eu de la difficulté à taper. Donc, dans iOS 8, QuickType va supporter les suggestions prédictives, nous dit-il. Donc, Predictive Suggestions. C'est évidemment pas l'idée de Apple, mais quand même, il l'adapte. C'est que maintenant, en tapant, il va deviner ton prochain mot, un peu comme sur Android, pour ceux qui connaissent. Donc, ça va deviner le prochain mot que tu veux. Ça va apprendre tes habitudes. Pareil comme SwiftKey ou le clavier de Google. Ça fait tout ça en apprenant sur ton appareil. Ça protège ta vie privée. Alors, donc, on va taper beaucoup plus vite, nous dit-il. Il n'y a pas encore de swipe. J'aurais préféré quelque chose de swipe, comme juste draguer ton doigt sur plusieurs lettres et que ça allait deviner ce que tu allais écrire. Mais bon, c'est pas encore rendu là. Mais c'est juste que l'application la plus utilisée sur iOS, on parle maintenant de messages de groupe. Et voilà, il est rendu 14h en direct le lundi 2 juin, donc on va devoir arrêter là. Malheureusement, on n'a pu regarder que la première application sur iOS 8. Mais bon, on va devoir suivre ça. La semaine prochaine, évidemment, Mathieu Tancho, je vais faire un petit résumé, enfin sûrement un grand résumé, de tout ce qui est OS 10, Yosemite 10.10 et iOS 8 par rapport aux dates de lancement, au prix. Bien sûr, à date, c'est gratuit pour Yosemite. iOS 8 va sûrement l'être aussi parce qu'il l'a toujours été. Mais bon, donc tout ça en résumé la semaine prochaine dans le blog CNX. Ah, il y a des photos qui sortent, puis j'aimerais ça pouvoir les lire. Mais bon, c'est tout pour aujourd'hui. On va sauter par-dessus. C'est un Fatech Edition en édition spéciale. Si on n'avait pas perdu 20 minutes de temps au début de l'émission avec Internet qui marchait mal, ça aurait été super le fun. Donc voilà, pour le Mathieu Plante Show, on se retrouve la semaine prochaine. C'est toujours lundi entre midi et 14h. Bien sûr, on repasse les mercredis à 17h. Consultez la programmation complète sur cif.ca. Retrouvez tous les liens et les notes de l'émission d'aujourd'hui sur assemblagejockey.com. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook pour connaître le plan avant tout le monde. C'est facebook.com/MathieuPlanteShow. La part de toute l'équipe utile du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. C'était Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye!